se dit donde. Donde. Hein? Donde. D-O-N-D-E. Donde. Et quand on s'insère dans une question, si on veut savoir où est quelque chose, alors on met un accent aigu sur le O. Alors, comment dira-t-on « Où voulez-vous manger ?» Alors, donde. Voulez-vous? Quiere. Quiere. Manger. Comment dit-on manger? Pensez au mot comestible. Comestible, comer. Très bien, hein, c'est ça. Comer. Comer, c'est manger et aussi déjeuner. Comer. Alors, où voulez-vous manger ou déjeuner? Donde quiere comer?